un coup de café. Oh, tiens. Alors le café. Tu nous fais le café, c'est vraiment... accueilli mieux qu'à la maison. Ah ouais, c'est sûr. Je veux voir s'il n'y a pas de café ici. Quand il est 19h, les rangs sont le pont. Hein. Et vous voulez tout combien là-haut? Quand il y en a qui dorment Ah ouais, bah des fois on fait tous les 2 heures on se relaie. La nuit quoi. Ouais, on dort jamais plus de 4 heures la nuit. Ah ouais. 2 fois 2 heures. Faut que tu fasses tout. Faut que tu fasses à manger. Faut que tu glaces le poisson. Faut que tu ramonnes les chaluts. Faut que tu fasses la passerelle. Faut que tu fasses la propreté. Tu fais jamais la même chose. Jamais, jamais. Bah, déjà, t'as un cours de cuisine. Faut que tu prévois ta bouffe. Ouais. He said that when they are living on the sea, they have to force everything. Because they have to do everything during sometimes 3 weeks, yes. And they have to have prepared all the things. They can't stop and go back when someone has a headache. Or he said the last time one of the men had an accident here, and they have to sue. He had to sue him. Yes. He said that sometimes women from other country comes to live with fishermen. Very hard for them. Because they don't know. They don't know what it can mean. Yes. En général, ils partent avec des hommes. Mm. Et nous, quand on arrive souvent, quand on arrive de mer aussi, bon, ben, t'as envie de voir plein de copains. C'est comme t'as été enfermé pendant 15 jours comme ça. Donc, t'invites des copains. Donc, la femme, des fois, elle fait la gueule aussi, c'est sûr.